kokai no mugeto no masabai no mugeto no gawatai lide moy so yon kai chiwai makadan makadan tokan so bagedan so jugeto toujours bo de niwe sa va plo la chicken ne boko de pour des qui now ka ko sa tu kwai yigi ni now yigi ni now yigi ni now yigi ni now yo elle le laisse pour elle s'attendre dans la ghetto. C'est le respect qui prime. C'est le respect qui prime. F.O.S.P. E.C.T. dans la ghetto. C'est le respect qui prime. C'est le respect qui prime. Levez-vous sur vos ergots. Gardez la tête haute, quel que soit ton argot. La qualité de l'homme ne relève pas de ses moyens. Tu le vois bien, nous sommes tous ghetto citoyens. Regarde comme tu marches, écoute comme tu parles. Voir comme tu réagis. Du secte ghetto jusqu'à l'impro. Que tu sois de Dakar, Paris, Soweto.